Question 29. À partir de ces panneaux, la vitesse est limitée. Oui, réponse A. Non, réponse B. L'usage du klaxon est interdit. Oui, réponse C. Non, réponse D.